إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإننا اليوم نترقب محزونين انتهاء شهر رمضان كما كنا بالأمس القريب نترقب قدومه فرحين وحق لكل مسلم أن يفرح بقدومه ويحزن لفراقه لأنه شهر البركة وموسم عظيم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه موسم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتغفر فيه الذنوب شهر الصيام والقيام وإطعام الطعام وقراءة القرآن ومبادرة فعل الخيرات شهر العتق من النيران عباد الله إن كان الشهر قد انقضت أكثر أيامه مسرئة فهذه سنة الله في خلقه فترقب لكل موجود زوالا ولكل مقيم انتقالا إنها ذكرى لمن يتذكر موعظة لمن يتعظ أن الأعمال سريعة الانقضاء فكل ما مضى من العمر وإن طال فإنه كحلم إذا انقضى الشيء فكأنه ما كان فلا تغرنكم هذه الحياة الدنيا بزخرفها وزهرتها فإنها حياة فانية زائلة ثم تسيرون إلى دار الخلد الذي لا موت فيه فاجتهدوا أن تكونوا في الحياة الآخرة من أهل دار السرور والدرجات الشريفة دار الجنان والأنهار دار التلذذ بنظري إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام دار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واحذروا ثم احذروا من المصير إلى دار الأحزان والحسرات دار الأغلال والسعير والزقوم ودار الخزي والهوان فبئس الدار وبئس القرار أجارنا الله وإياكم منها عباد الله إن طريق الجنة الإيمان والعمل الصالح وإن طريق النار الكفر بالله ومعصيته فاتقوا الله في أنفسكم وتزودوا من دنياكم ومعادكم واسلكوا سبيل الجنة واحذروا سبل النار عباد الله إن المتبقي من شهر رمضان وإن كان قليلا إلا إنه عظيم الشأن، فبادروا بالتوبة النصوح، وبادروا بالاستغفار والذكر والدعاء والتضرع إلى الله. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فأيها المسرون على الصغائر، ويا أيها الواقعون في الكبائر، بادروا بالتوبة والإقلاع، لعل الله أن يشملكم برحمته وغفرانه ورضوانه، فإنها فرصة قد لا تدركها بعد عامكم هذا، وقد تكون ليلة القدر فيما بقي من الليالي، فلا تتكاسلوا في القراء والقيام والذكر والصدقات وشتى أنواع العبادات. عباد الله، يا من وفقتم لصيامه وقيامه، يا من وفقتم إلى تلاوة القرآن ومبادرتي إلى كثير من الأعمال الصالحة، لا تركنوا إلى أعمالكم ولا تغتروا بما قدمتم، فما وفقتم إلى عمل صالح إلا بتوفيق الله لكم وإعانته إياكم، فاحمد الله واشكر له على إعانته وسال ربكم القبول. فإن المؤمن الصادق هو الذي يجمع بين العمل الصالح والخوف من الله ألا يتقبل منه عمله، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه الآية: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فابتهلوا إلى الله وتضرعوا إليه أن يتقبل منكم صالح أعمالكم. عباد الله، إن من الناس من يرى شهر رمضان شهر للعبادة، وأن ما عاداه من الشهور شهور تقصير وتفريط ومعصية، ولهذا فهم في رمضان من أهل صلاة الجماعة، ومن أهل قيام الليل، ومن أهل قراءة القرآن، ومن أهل البر والإحسان والصدقة، يسن البصر ويسن الصمع. فإذا انتهى رمضان هدم ما بنى، ونقض ما عقد، وأفسد ما أصلح، وهجر القرآن فلا يقرأ إلا قليلا، وهجر صلاة الجماعة فلا يشهدها أو لا يشهد إلا قليل، وإذا قام إليها قام كسلانا ثقيلا يطلق العنان لبصره ولسمعه فلا يبالي أصرف هذا في حلال أم في حرام، يلغو في أكل الحرام وكأنما حل في اليد هو حلال. فهذا الصنف على خطر عظيم، لأنهم ما فهموا حقيقة العبادة التي خلقوا لأجلها، لأن الله خلق الثقلين لعبادته وأمرهم بها إلى يوم يلقونه، كما قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. إن هذا الصنف من الناس يفهم أن رمضان موسم للإزدياد من العبادة والطاعة والبر، ولكنه فهم أن رمضان موسم للطاعة، وأن ما عداه موسم للغفلة والتضييع والتفريط. راجعوا أنفسكم وراجعوا فهمكم لحقيقة دينكم، راجعوا أنفسكم وتذكروا أنكم تعبدون رب رمضان ولا تعبدون رمضان. وبئس القوم الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. راجعوا أنفسكم وتذكروا أن العبرة بالخواتيم، والذين يحسن في رمضان ويسيء بعده لم يختم عمله بخير، وإنما يختم بخير من كان عمله كله خيرا، لأنه متى ما جاءه الأجال صادفه على عمل صالح. فداوموا على فعل الخيرات وترك المنكرات وتفوزوا وتسعدوا. عباد الله، إن مواسم ربنا ليست خاصة برمضان، فلله مواسم أخرى جعلها لعباده حتى يتزودوا فيها من الصالحات. ولذا شرع له صيام 6 من شوال بعد رمضان، وشرع لهم صيام الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام عرفة وعاشورة، ورتب على صومهم الأجر والثواب الجزيل. ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، ينادي عباده، يدعوهم إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى سؤاله الحاجات، وذلك في كل ليلة من ليالي السنة وليس خاص برمضان. فمن شاء يتزود فإن السفر بعيد والرحلة شاقية، وخير الزاد التقوى. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعتنا، واغفر ذنوبنا وسيئاتنا، وتجاوز عنا. عباد الله، مما شرع الله بعباده في ختام هذا الشهر صدقة الفطر، وقد شرعت لحكم بالغة، ومن حكمها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه في هذا الشهر، وهي كذلك شكر على نعمة الله على إتمام صيام الشهر. ومن حكمها أنها مواسية للفقراء والمساكين في يوم عيدهم، فإن الجائع لا فرحة له. وصدقة الفطر واجبة، وحكى بعضهم الإجماع على وجوبها، وإنما تجيب على من ملك صاعا من طعام زائدا عن حاجته وحاجته، من تلزمه نفقاتهم يوم العيد وليلته. والدليل على وجوبها ما ثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فقوله فرض يعني دليل على وجوبها، لأن الفرض معناه الإجاب والإلزام. وتخرج صدقة فطر من غالب قوت البلد، سواء من الأصناف المذكورة في الحديث أو من غيرها إن كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف، ولا يجوز إخراجها نقودا أو ملابس ونحو ذلك. ومن كان فقيرا حقا فإن ينتفع بالطعام ولا بد. والسبب في عدم إجزاء غير الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا تترك سنته لقول أحد كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعطي القيمة، أي لا يخرجها مالا. قيل له: قوم يقولون إن عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، ووقت وجوبها غروب الشمس آخر ليلة من شهر رمضان. فمن ولد له ولد قبل غروبها أخرج عنه، وكذا إذا أسلم الكافر قبل غروبها أخرج عن نفسه، أما إذا أسلم بعد الغروب أو ولد المولود بعد الغروب أو مات المسلم قبل الغروب فلا تلزمهم لأنهم لم يدركوا وقت وجوبها، لكن يستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه لما ورد عن الصحابة، وتؤدى زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد لحديث ابن عمر أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة، ولا حرج أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين. وأما إخراجها أول الشهر أو وسطه فهذا خلاف المشروع، ومن فعل ذلك أخرج مرة أخرى في موعدها الشرعي. عباد الله، لقد شرع الله تبارك وتعالى التكبير ليلة عيد الفطر للصلاة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ويرفع صوته فيه ولو كان في مجامع الناس والأسواق من غير تلحين ولا تكبير جماعي، بل كل يكبر وحده إلى أن يبدأ الإيمان في صلاة العيد. عباد الله، إن الله جعل عيد الفطر يوما يفرح فيه المسلمون بإتمام نعمة الصيام الذي هو رابع الأركان، والعيد يوم يفرح فيه المسلمون بنعمة الله والشكر لله عز وجل. وقد شرع الله فيه لعباده صلاة عظيمة هي صلاة العيد، وكثير من المسلمين يتهاونون في أدائها وحضورها، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر الناس بالخروج إليها، حتى كان يأمر بخروج الحيض إلى المصلى، فيكن من وراء الناس يشهدن دعوة المسلمين. كما يستحب التجمل للعيد، وإذا خرج من طريق رجع من طريق آخر، ويأكل تمرتين قبل الخروج إلى الصلاة ويأكلهن وترا. وصلاة العيد ليس لها آذان ولا إقامة ولا سنة قبلية، لكن إذا صلى في المسجد يركع ركعتين قبل الجلوس، والسنة أداء الصلاة في المصلى خارج البلد. عباد الله، كثير من المسلمين سيروا يوم العيد يوم لهوا وغفلة ومعصية، فلا يعرفون فيه إلا المعازف والأغاني وتضيع الجماعة. هذا غلط عظيم. المعازف محرمة في يوم العيد وقبله وبعده، كما ثبت في النصوص الشرعية. فافرحوا يا عباد الله في يوم العيد بفضل الله وبنعمة إتمام الصيام، ولا تفعلوا ما يسخط ربكم عليكم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. Ô vous qui avez cru, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant musulmans, soumis à Allah. Et ne suivez pas vos passions ni la voie des innovateurs. Et sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et que la meilleure des guidées, la meilleure des voies, c'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Et sachez que toute chose inventée dans la religion d'Allah, afin de se rapprocher d'Allah par cette œuvre-là, cela s'appelle une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Lorsque l'on dit on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit, et qu'on se rappelle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui respectait constamment durant ses discours, lorsqu'il commençait, que toute innovation est un égarement, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. On se doit de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et on se doit de se conformer à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En se rappelant que si l'on veut œuvrer sur une autre que la législation sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un égarement. Et cet égarement mène au feu de l'enfer. Même si tu prétends ou tu penses que tu te sens bien pendant que tu fais cette innovation, que tu sens que ton cœur est mieux. C'est une religion de suivi. Il n'est pas donné à chacun d'entre nous de adorer Allah Azza wa Jal comme il sent que c'est bien, ou comme il pense que c'est bien, ou comme il croit être bien. Si tu adores Allah Azza wa Jal parce que tu te tiens sur Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent, mais tu ne te tiens pas sur je pense que c'est bien, où on a toujours fait comme ça, et dans nos pays on fait comme ça. Le jour de la résurrection, si tu te tiens sur une preuve, alhamdoulilah. Pourquoi tu as fait cela? J'avais une preuve. Mais si tu te tiens sur mes ancêtres faisaient comme ça, ou je ne vois pas où est le mal, ce n'est pas une excuse. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Serviteur d'Allah, nous attendons en étant triste la fin du mois de Ramadan. Hier encore, on était en train d'attendre le début du mois de Ramadan. Et on était content en se disant que il faut que j'utilise cette opportunité-là afin de me réformer, afin d'être meilleur. Cependant, on se rend compte que le mois de Ramadan se termine. Et que beaucoup d'entre nous vivaient, et beaucoup de musulmans vivaient, sur l'espoir de faire mieux le lendemain, et qu'aujourd'hui, il va attendre le lendemain. On se rend compte qu'on arrive à la fin. Méditez cette petite période de temps, du mois de Ramadan, sur votre vie. Un mois, nous étions encouragés à œuvrer, à se réformer. Un mois. Qu'avons-nous fait pendant ce mois-là? Qu'en est-il de ceux qui vivent toute leur vie, puis arrivent à la fin de leur vie en se disant « Ah, j'ai pas eu le temps ». Vous voyez l'insouciance? On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider et de nous augmenter notre savoir. Le musulman est en droit d'être triste de voir se terminer ce mois. Parce que c'est une saison où nous avions l'opportunité de faire beaucoup de hasanettes, de bonnes œuvres. En espérant recevoir beaucoup de hasanat. Nous avions cette période-là, nous disions le mois de Ramadan, le qiyam, la lecture du Coran. Je vais lire. Le mois est arrivé, le Coran n'est pas encore lu. C'est une saison où les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Où les diables sont enchaînés ne signifie pas qu'ils n'ont aucun pouvoir, mais que leur pouvoir est moindre, est diminué. Heureux est celui qui a saisi l'opportunité. Et malheureux est celui qui ne s'est pas encore réveillé et qui ne compte pas se réveiller. Cependant, pour les quelques jours qui restent du mois de Ramadan, nous avons encore l'opportunité de revenir vers Allah Azza wa Jal, de nous repentir et invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous raffermisse sur sa religion. Et cette fin de mois du Ramadan fait partie de la tradition d'Allah Azza wa Jal sur ses créatures. Lorsqu'une chose prend fin, par la suite, c'est comme si elle n'était pas. Les gens n'y pensent même plus. Comme vous avez des frères qui prient avec vous, qui sont décédés, je présume que rares sont ceux qui repensent à eux. À croire qu'ils n'ont jamais été parmi vous. Hein? Et on se rend compte donc que cette dunya, ce bas monde, dont beaucoup courent après, en espérant une reconnaissance d'autres créatures, eh bien cette dunya n'est qu'illusoire. Tu meurs, on t'oublie. Tu meurs, on t'oublie. Tu ne ramènes rien. Qu'as-tu œuvré pour espérer? Qu'a-t-on œuvré pour espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Qu'a-t-on œuvré? Donc, il ne faut pas que l'on soit trompé par cette vie d'ici-bas, cette vie éphémère, cette vie, ce bas monde qui a une fin. Mais on se doit d'œuvrer pour la vie de l'au-delà, celle qui est éternelle. On se doit de faire des efforts afin de faire partie de ceux qui peupleront le paradis, de ceux qui verront Allah Azza wa Jal, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Et prenez garde donc à ne pas tomber dans l'insouciance, à mener votre âme à votre perte et vers l'enfer. Serviteur d'Allah, la voie du paradis comprend la foi et l'œuvre pieuse. Les voies de l'enfer, la mécréance et la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Craignez donc Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et empruntez la voie du paradis. Et prenez garde des voies de l'enfer. Il est rapporté dans le hadith authentique, dans Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, du Ramadan à l'autre Ramadan, eh bien c'est une absolution des péchés. Allah Azza wa Jal pardonne les péchés commis entre ces deux ramadans-là, tant que les grands péchés sont évités. Donc le conditionnement d'avoir ces péchés mineurs qui sont pardonnés, car les péchés, ce qui est pris en compte dans le hadith, ce sont les péchés mineurs, car les péchés majeurs, la condition, c'est la repentance, la taube. Tandis que les péchés mineurs, Allah Azza wa Jal, il les pardonne à qui il veut. En appliquant ce hadith-là, on se rend compte que l'absolution des péchés mineurs est conditionnée par le fait d'éviter les péchés majeurs. Éviter les péchés majeurs. Éviter le fait de parler sur un frère. Éviter de mettre en conflit des frères. Éviter de prendre des crédits bancaires. L'intérêt usuaire. Éviter de mentir. Des péchés majeurs. Et d'autres encore. Donc, connaissez aussi le hadith du vendredi au vendredi, de la salette à l'autre salette. Allah Azza wa Jal pardonne les péchés tant que l'individu évite les grands péchés. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et se rappeler qu'on ne rapporte rien avec nous. On ne rapporte rien avec nous. Donc, ceux qui continuent à œuvrer dans les petits péchés, ceux qui tombent dans les grands péchés, revenez repentant vers Allah Azza wa Jal et délaissez tout cela. Peut-être alors qu'Allah Azza wa Jal vous comblera de sa miséricorde et vous pardonnera. Car nous avons cette opportunité-là des jours qu'il reste du mois de Ramadan. on se doit de la saisir, revenir vers Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal accepte le repentir de celui qui se repent sincèrement. Sincèrement. Et sachez aussi, mes chers frères et sœurs, que si vous avez réussi à jeûner, pour ceux qui ont réussi à jeûner, à faire les prières nocturnes, à lire le Coran, ne vous tenez pas sur cela en vous auto-félicitant sur ce que vous faites. Car si vous avez réussi à le faire, c'est qu'Allah Azza wa Jal vous l'a permis. Donc c'est Allah Azza wa Jal que l'on doit remercier pour cela. Nous n'avons aucun pouvoir et nous ne pouvons que ce qu'Allah Azza wa Jal, et nous ne voulons que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc le musulman, le croyant sincère, est celui qui réunit entre l'œuvre pieuse et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il fait une œuvre pieuse et il craint Allah Azza wa Jal. Il craint Allah Azza wa Jal que cette œuvre pieuse-là qu'il fait ne soit pas acceptée auprès d'Allah. Certaines personnes considèrent que le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel on va augmenter en œuvre pieuse. Et que c'est pendant ce mois-là, ce mois-ci de Ramadan, seulement dans cela, qu'on adore Allah Azza wa Jal, et qu'on jeûne, et qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et que l'on fait des bonnes actions et que l'on nourrit le pauvre. Puis lorsque le mois de Ramadan se termine, on les retrouve revenir vers la désobéissance. Revenir vers tout ce qui apporte la colère d'Allah Azza wa Jal. Pendant le mois de Ramadan, il faisait attention à ce qu'il regardait. Il faisait attention à ce qu'il écoutait. Il faisait attention à ce qu'il disait. Il était assidu aux prières en groupe à la mosquée. Il était assidu aux prières nocturnes. Il faisait en sorte de lire le Coran. Et le mois de Ramadan se termine. Et le voilà qui sème la corruption sur terre. Il ne vient à la mosquée que très peu. Il ne vient prier la prière en groupe que pas du tout, voire très peu. Il ne lit plus le Coran. Il ne fait plus de prière nocturne. Et il n'invoque plus, ou il invoque Allah que très peu. Il se met à faire des choses qu'il s'abstenait pendant le mois de Ramadan de faire. Pendant le mois de Ramadan, il s'abstenait, il disait cette chose à haram. Après le mois de Ramadan, tout ce qu'il prend dans sa main, il le considère halal. Tout ce qu'il a dans sa main, il le considère halal. Il pense que le mois de Ramadan, c'est seulement dans ce mois-là que l'on adore Allah Azza wa Jal. C'est seulement dans ce mois-là que l'on fait le bien. Allah Azza wa Jal nous dit, à la fin de sourate Al-Hijr, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude, c'est-à-dire la mort. Jusqu'à ce que te vienne la mort. Car ces individus n'ont pas compris la vérité de l'adoration. N'ont pas compris pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés. On se doit d'adorer le Seigneur de Ramadan. Mais on ne doit pas adorer Ramadan. On adore Allah Azza wa Jal, le vivant qui ne meurt jamais, qui nous a créés, qui a créé les djinns et les humains, que pour qu'ils l'adorent. Et cette adoration-là, elle se doit se faire toute ta vie. Toute ta vie. Tu n'as pas de repos dans cette dunya, dans ce bas monde. Il n'y a pas de vacances. Le repos, c'est dans l'au-delà. Dans cette dunya, tu es en perpétuel combat contre ton nafs. Essayer de la forcer à se réformer. Essayer de forcer ton nafs à prendre du ilm. Essayer de forcer ton nafs à méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal. À méditer sur le fait que tu rendras des comptes. À méditer et à réaliser que ce bas monde n'est qu'éphémère. Ceux qui courent après la dunya, ceux qui courent après ce bas monde, en arrivant à désobéir à Allah Azza wa Jal pour avoir tel poste ou tel travail. L'essentiel, c'est qu'ils ont ça. Alors qu'ils oublient que la provision ne provient que d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui donne. Si tu veux cette chose-là, et Allah Azza wa Jal ne l'a pas décrété, tu ne l'auras pas. Désobéis à Allah Azza wa Jal. Désobéis à Allah Azza wa Jal autant que tu veux. Mais tu ne fais que nuire à ta propre personne. Le risque ne provient que d'Allah Azza wa Jal. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Quelle mauvaise personne sont les individus qui ne connaissent Allah Azza wa, qui ne connaissent Allah Azza wa Jal que pendant le mois de Ramadan. Donc on se doit de méditer sur cela et de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal. Il reste encore quelques jours dans le mois de Ramadan. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal descend dans le dernier tiers de la nuit, au niveau du ciel, de ce bas monde, et dit, y a-t-il un de mes serviteurs qui veut se repentir? Y a-t-il un de mes serviteurs qui me demande une chose? Et l'individu, il dort. Ça, c'est toute l'année, ça. Ce n'est pas spécifique à Ramadan. Allah Azza wa Jal a légiféré le jeûne pendant toute l'année. Les lundis, les jeudis, et 3 jours dans le mois. Il a légiféré le jeûne du mois de Shawwal, qui est après le mois de Ramadan. Les 6 jours que l'on jeûne pendant Shawwal, il a légiféré cela. Il a légiféré le jeûne de Arafat, du jour de Arafat. Il a légiféré le jeûne de Ashura. Voyez comment Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Il nous donne des opportunités, des saisons, pour que l'on revienne vers lui. Serviteur d'Allah, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et on se rappelle que Allah Azza wa Jal a légiféré la zakat du fitr à la fin de ce mois de Ramadan. Zakat ou le fitr? Contrairement à ce que beaucoup d'individus, voire la majorité des musulmans, essaient de faire. La majorité n'est pas une preuve. Allah Azza wa Jal dit « Wa in tuti' akthara min fil ard yudilluka 'an sabilillah ». Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. En sont arrivés les gens à délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ne comprennent pas quand il faut la sortir. Certains la sortent dès le début du mois de Ramadan, d'autres au milieu. D'accord ? Cependant, cela n'est pas correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné l'obligation de sortir zakat al-fitr. On trouve ça dans les deux hadiths sahih. Ibn Omar radiallahu anhu qui a dit: le message et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la zakat du fitr. En la sortant, sa'an min ta'am, donc cette quantité-là, d'un repas ou de date, ou, comme ont dit les savants, c'est ce qu'il y est, vous la sortez de ce qui est connu dans le pays, que les gens, yani, utilisent dans leur nourriture. Et ceci est une obligation. Et elle se doit de sortir, hein, sur tous les membres de la famille. Si l'individu se convertit à l'islam, puis avant la prière du Maghrib, il se convertit à l'islam avant la prière du Maghrib, il se doit de la sortir. D'accord ? Si l'enfant est né avant la prière du Maghrib, il se doit de la sortir. Si l'individu meurt avant la prière du Maghrib, donc il n'est plus obligé de sortir sur cet individu-là. Mais les sahabes ont dit que il était conseillé de la sortir même sur, c'est la femme qui est enceinte, donc le fœtus, de la sortir sur le fœtus, parce que ça a été rapporté cela à propos des sahabes. Donc elle est sortie, d'accord, l'obligation se fait donc au niveau de du maghrib du dernier jour de Ramadan. Il est permis cependant de la sortir un jour avant la fin de Ramadan ou deux jours avant. Un à deux jours avant. D'accord ? On ne la sort pas bien avant. Celui qui la sort au début du mois de Ramadan ou au milieu du mois de Ramadan, il se doit de la ressortir car il ne l'a pas fait selon la législation. D'accord ? Et il est obligatoire de la sortir avec la nourriture. Il n'est pas permis de la sortir avec l'argent, comme on le voit dans énormément de mosquées. Hein, en mettant zakat al-fitr et puis les gens donnent 5 euros. Ça, ce n'est pas permis. La sunna, c'est de la sortir en nourriture. Et les quantités, Inch'Allah, dimanche, Inch'Allah, je donnerai donc au président ici les quantités. Inch'Allah, qu'il pourra mettre ici. Donc, c'est en quantité de nourriture de ce pays-là que les gens sont habitués à manger. Par exemple, les pâtes, la semoule, le riz. C'est comme ça qu'il faut la sortir. Il y a des quantités spécifiques pour chaque personne. D'accord ? Donc, par exemple, il y a des quantités spécifiques pour chaque type de nourriture. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'il faut la sortir. Et on la donne donc aux pauvres, aux nécessiteux. Et il y a des pauvres et des nécessiteux. Il y a même des gens qui sont étudiants ici, bien étudiants et ça, et ils n'ont personne d'autre, ils n'ont pas de famille ici. Voilà. Donc vous pouvez les aider. Allez. Ou vous connaissez des familles qui sont dans le besoin. Allez. L'imam Ahmed rahimahullah a dit, il est interdit de donner, il est interdit de la donner en argent. Il est interdit de sortir zakat al-fitr en argent. Un homme lui dit, il y a des gens qui disent que Omar ibn Abdelaziz, il prenait l'argent. Il a répondu, il délaisse la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prendre la parole d'un tel. Et ensuite, il a récité le hadith. Ibn Omar radiallahu anhu a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné que la zakat du fitr soit sortie en nourriture. En nourriture. Donc l'obligation de la sortir se fait au coucher du soleil le dernier jour du mois de Ramadan, comme je l'avais mentionné. Serviteur d'Allah, il est aussi légiféré, donc à partir du coucher de soleil du mois de Ramadan, le dernier jour du mois de Ramadan, à partir du coucher du soleil, lorsqu'on va savoir que le lendemain c'est l'Aïd, de faire le takbir, de dire Allahu Akbar, d'accord ? Et ceci, on le dit à voix haute. On le dit dans les marchés, dans n'importe, yani dans les endroits où l'on va, et on le dit à voix haute. Et il ne doit pas se dire en groupe, en commun, et en lui donnant, yani comme si que, comme en le chantonnant. Mais chacun le dit tout seul, à voix haute. D'accord ? Chacun le dit tout seul. Et il ne recherche pas à le faire à l'unisson. D'accord ? Ceci ne fait pas partie de la sunna. L'individu qui fait cela, il oppose la sunna. L'individu qui cherche à faire un groupe, il oppose la sunna. Et s'il oppose la sunna, alors que la preuve lui est parvenue que ceci ne fait pas partie de la sunna, il doit se rappeler du hadith que je mentionne souvent, très souvent, de ces individus, ces musulmans, le jour de la résurrection, qui voudront boire de la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mettra sa main dans le Kawthar, des barrières seront mises ils seront empêchés, ces individus, d'aller boire de la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il les reconnaîtra par les traces d'ablution qu'ils ont sur eux. Il dira, ce sont des gens de ma communauté. Et les anges diront, la tadri madha sana'u ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Baddalu wa ghayyaru, ils ont changé et modifié. Tu veux faire partie de ceux qui changent et qui modifient, qui veulent inventer? Il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes la nuit du 27. Et on va trouver dans les mosquées des gens qui, là, ils vont faire un habit spécial. Allah, on ne sait pas si c'est cette nuit-là, Laylatul Qadr. La nuit du destin, on ne sait pas si ça va être cette nuit-là. Elle est peut-être passée. Et c'est peut-être dans les nuits qui restent. Allah, on ne sait pas. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba, eux-mêmes, ne le savaient pas. Qui sommes-nous aujourd'hui afin de vouloir faire des choses qui opposent la sunna? Ou de penser que non, c'est aujourd'hui. Et je vais faire à manger. Et je vais inviter les gens. Tu veux faire à manger? Tu as tout le mois de Ramadan pour le faire. Pourquoi tu spécifies ça aujourd'hui, la nuit du 27? Yani, on se doit, barakallahu fikum, de rechercher le haq, la vérité. C'est pas, on fait des choses et puis on pense que c'est pas grave. Où est le mal? Tu désobéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu innoves dans la religion d'Allah qui est complète. Mais penses-tu que tu vas adorer Allah azza wa jal mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba? Penses-tu que tu vas recevoir une récompense qu'ils n'ont pas reçue? A'oudhu billah. On se doit de craindre Allah azza wa jal comme il se doit. Donc, lors du jour du Eid, donc la zakat al-fitr se doit d'être sortie, comme je l'avais mentionné, avant la prière du Eid. Avant la prière du Eid. Si l'individu vient et c'est la prière du Eid et il veut la sortir, ce sera considéré comme une sadaqa. Ce ne sera plus considéré comme zakat al-fitr. Et cette zakat al-fitr-là, c'est pour purifier le musulman. S'il s'était mis en colère ou s'il avait dit de mauvaises choses pendant le mois de Ramadan, c'est pour combler ce mal-là. Vous voyez la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mais c'est également pour aider les nécessiteux. Car celui qui a faim le jour du Eid n'est pas quelqu'un d'heureux. Lorsque l'on sort pour Salat al-Aïd, le musulman, ce qu'il fait, il prend des dates en nombre impair. Il prend un chemin et lorsqu'il rentre, il rentre par un autre chemin différent de celui avec lequel il est venu. Alors c'est la sunna. Et on se rend compte que peu sont ceux qui donnent d'importance à Salat al-Aïd. Ou à la khutba qui suit Salat al-Aïd. Et il rate un bien énorme. Il rate le fait de se conformer à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la récompense qu'il y a dans cela. Les musulmans se doivent d'être contents, l'Yom l'Aïd. Certes, certes. Mais cependant, on voit des gens arrivent l'Aïd, ils se mettent à mettre de la musique et ils se mettent à faire la mixité, à s'asseoir avec des femmes. Eux, ils sont des hommes, ils vont s'asseoir avec des femmes qui leur sont étrangères. Et ils se mettent à rater les prières en groupe. Parce que c'est l'Aïd. Mais la musique et les chants, la musique et les instruments de musique est strictement interdit en islam. Que ce soit dans l'Aïd, ou avant, ou après. Tu peux être content et fêter, célébrer l'Aïd sans désobéir à Allah Azza wa Jal. Par cela, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Tu veux faire un acte en cherchant la colère d'Allah Azza wa Jal. Quelle est cette contradiction? Regardez comment les musulmans ils se contredisent. Et ensuite, ils se disent, regardez comment nous sommes un peuple arriéré. Subhanallah. Cet arriérément que l'individu clame du peuple musulman est dû aux musulmans eux-mêmes qui refusent de se conformer à la sunna, tout simplement. Conformez-vous à la sunna et vous serez élevé en degré. Conformez-vous à la sunna et Allah Azza wa Jal vous supportera et supportera parce que vous supportez la cause d'Allah Azza wa Jal. Écartez-vous de la sunna et du Coran. et vous subirez, connaîtrez l'humiliation. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner et de nous raffermir sur sa voie droite. Enfin, sur Salat al-Aïd, il n'y a pas d'adhan, il n'y a pas d'iqama, d'accord ? Il y a les deux rak'at qui sont faites. Et la khutbah suit les deux rak'at. Et il est encouragé à tous les musulmans de venir. Même la femme qui a ses menstrues, cependant, elle ne rentre pas dans les locaux où il y a la prière. C'est juste pour participer et entendre le bien qu'il y a dans cela. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider tous sur la voie prophétique. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma atayt, tabaraka rabbana wa ta'alayt. Allahumma izz al-islam wal muslimin, wa adhill al-shirk wal mushrikin, wa dammar adaa'aka adaa'u ad-din, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.